Voici le fabuleux destin de la vergogne. Un homme sans couronne qui s'assoit sur les marches de la Madone. Levé 6h du matin comme crevé. Même sa tasse de café n'arrive plus à soulever. L'aurait préféré rester couché à rêver. Au lieu de ça, il file attendre son but. Il monte dedans, seul il pense qu'il s'abuse. Au tapis des insultes sur lui effusent. Homme honnête, il connaît pas la rue. Sur les chantiers en plein été, soleil le martèle. Y'a du retard alors y'a pas de pouce pour la gamelle. Malgré son triste salaire, il accélère. Sur le chapeau il manque d'air. Il en oublie même qu'il est père. Il est célibataire, il en perd ses repères. Toujours perché, il s'écorche la chair. Qu'importe la situation, préfère se taire. Peur que ça puisse pas appeler. Dans cette ville, j'irai au paradis. Si c'est déjà l'enfer, avec que l'âge, il peut me sans fierté. C'est déjà trop tard, il a déjà un peu trop raté. Fais le sourd quand les autres pensent qu'à vanter. Pour lui, il s'est déjà un peu trop voté. Le système l'a éventé. La solitude l'a tellement cramé qu'il ne veut plus rentrer. Alors c'est dernier qui quitte son poste. La déprime le pousse au bar. Là, y'a pas de riposte. Y'a trop de sous l'air qui la colle. Une parole déplacée, une bouteille qui a éclaté. Il finit au poste. Voici le fabuleux destin de la vergogne. Un homme sans couronne qui s'assoit sur les marches de la Madone. Voici le fabuleux destin de la vergogne. Un homme sans couronne qui s'assoit sur les marches de la Madone. Réveillant ses luttes et dégrisements, la honte vient toucher doucement. Travailleur, il a construit la France. Et aujourd'hui, il réalise que c'est bien avant. Il a passé 48 heures en GAV sans avoir prévenu son patron. On est jeudi 8h du mat, il attend, lui demande pardon. Il lui répond, pauvre con, aussi ta lettre de licenciement t'as pas été bon. 20 ans dans c'était parti d'un bon. Sur lui, il s'effondre le monde pour oublier ça. C'est d'alcool qui s'inonde. Les journées pas comme des larmes fondent. Les regards des gens l'étonnent. Désespère face aux gamins avec leur fun. Il a l'allure du SDF quand la fatigue l'assomme. S'assoit sur les marches de la Madone. Quand les passants lui tendent un truc, il regarde, c'est une pièce qu'on lui donne. La colère lui dit, tu déconnes. Pense un instant à ses gosses qui lui pardonnent. Dans la nuit, son estomac grogne. Voici le fabuleux destin de la vergogne. La pluie tombe et les orages tonnent. Du mauvais mini-pâtis. Assis du haut d'un pont qui lève les bras et ça fait. Il tient plus crack, veut redevenir flax. Et lance dans ce vertige avec trac. Et c'est un seul qui veut laisser des marques. Du chute, il s'éteint pour que plus personne le plaint. D'une chute, il s'éteint pour que plus personne le plaint. D'une chute, il s'éteint pour que plus personne le plaint. Voici le fabuleux destin de la vergogne. Un homme sans couronne qui s'assoit sur les marches de la Madone. Voici le fabuleux destin de la vergogne. Un homme sans couronne qui s'assoit sur les marches de la Madone. Voici le fabuleux destin de la vergogne. Un homme sans couronne qui s'assoit sur les marches de la Madone. Voici le fabuleux destin de la vergogne. Un homme sans couronne qui s'assoit sur les marches de la Madone. Voici le fabuleux destin de la vergogne. Un homme sans couronne qui s'assoit sur les marches de la Madone. Voici le fabuleux destin de la vergogne. Un homme sans couronne qui s'assoit sur les marches de la Madone. Voici le fabuleux destin de la vergogne. Un homme sans couronne qui s'assoit sur les marches de la Madone. Voici le fabuleux destin de la vergogne.